En Corée du Sud, la direction ouvrière du Comité du Sud pour l'application de la Déclaration commune du 15 juin et la solidarité des citadins pour une société démocratique ont publié chacune une déclaration et un commentaire le vent de courant contre les manœuvres américano-sud-coréennes Ulzi Freedom Guardian.